about sex. Radio. Oh là, bonjour. Comment ça va? Ben ça va et toi? Eh ben c'est très bien. Reparti pour une nouvelle émission. Lundi début de semaine, on a la tête dans les chaussettes. Comment vous dire, l'équipe? Ça va pas du tout là. Il y a un problème de look déjà. Mais on va en parler tout à l'heure. Fab est là. Oui, présent. Ouais, c'est justement de lui qu'il est question au niveau du look. Mais on en parlera tantôt. Carlo aussi qui est en train de se préparer pour les infos. Et puis il y a Kéké, Alison au standard. C'est eux que vous devez gratter pour des cadeaux. Donc allez-y, n'hésitez pas. C'est quoi le numéro de téléphone du standard là, s'ils veulent nous appeler les auditeurs, Kéké? Je sais pas. Alors le... Hey, c'est comme s'il y avait un conducteur de train qui dit je sais pas du tout comment je fais pour conduire le train. Attends, moi je crois que je sais. Oh là, c'est pas 851 4x0 0800 02. Allez, ben c'est bon, on va y arriver. Attends, c'est quoi? Attends, vas-y. 02, ouais. 851. Bim, je te l'avais dit. 4x0. 4x0. 02 851 4x0. Et appelez-nous là, comme ça on voit si on a donné le bon numéro ou pas. En tout cas, on applaudit Kéké pour son travail excellent. Merci. Magnifique. Le standardiste le plus mauvais au monde, je crois, de toute l'histoire de la radio. Sandro qui est là aussi. Bien le bonjour. Oh, monsieur parle bien aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je parle bien. Début de semaine, il fait un effort. Bon, tout à l'heure, on va vous parler de Danse avec les stars. Et ouais, on a de l'info, on sait qui va participer à l'émission. Et vous allez voir, il y a un nom qui circule là qui est vraiment très très chelou. On explique tout ça hein, juste après les infos, bougez pas. Radio. Ce mois-ci chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Il y aura du cadeau aussi dans l'émission aujourd'hui avec des Golden Pass direction Walibi à choper. Il faut juste rester à l'écoute de l'émission jusqu'à 20h. Pendant ce temps-là, nous, on s'informe maintenant et c'est avec Carlo Morello. Bonjour Carlo. Allô Audrey, salut à tous. Quelques jours après le choc de l'annonce de la fermeture de Caterpillar à Gosselies, le Forum a reçu ce matin pour recommander une lettre de la direction annonçant le licenciement collectif des 2000 et quelques travailleurs de l'entreprise, histoire que la procédure Renault puisse débuter dans une semaine. Maintenant, quid de l'avenir de tous ces gens et aussi des nombreux sous-traitants. On parle quand même de 5 à 6 000 familles concernées par ce nouveau séisme. Et à Paul Magnette, le ministre président Wallon, se veut optimiste, même si dit-il, il ne veut pas donner de faux espoirs aux gens. Mais il a quand même affirmé ce matin sur les ondes du service public que le site de Gosselies pouvait, devait et serait repris. Et d'ajouter que des repreneurs potentiels s'étaient manifestés dès les premières heures ayant suivi l'annonce de la fermeture parce que ce site est un joyau technologique. Il faut tout faire, et là je cite Paul Magnette, bien sûr, il faut tout faire pour récupérer tout ce qu'on peut récupérer de l'outillage, du savoir-faire des travailleurs et de tout ce qu'on peut conserver comme activité. Et à partir de là, reconstruire un site technologique complet, sur le plateau de Gosselies. Fin de citation. En Allemagne, un scrutin régional a eu lieu hier dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale. Ça se trouve dans le nord-est du pays. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il s'agit du fief d'Angela Merkel, la chancelière, et que son parti, la CDU, s'est solidement rétamé, ne terminant qu'en troisième position, derrière les sociodémocrates du SPD, donc la gauche, qui obtient 30%, mais surtout derrière l'extrême droite, l'AFD, qui a obtenu la confiance de 21% des électeurs. Et ça, c'est très clairement le résultat de la politique d'accueil d'Angela Merkel vis-à-vis des migrants, une politique qui lui vaudra peut-être le prix Nobel de la paix, mais qui risque bien de lui coûter très cher politiquement parlant. L'année prochaine, il y aura des élections législatives en Allemagne. Pas sûr du tout que la CDU pourra se maintenir au pouvoir. L'autre grand point d'interrogation concernant évidemment le parti anti-migrant AFD. Pendant des dizaines d'années, l'Allemagne a refusé d'écouter les sirènes de l'extrême droite traumatisée par 12 années de nazisme. Mais aujourd'hui, visiblement, les choses ont changé. Les Français brillent de mille feux à l'US Open de tennis. C'est pas compliqué. Ils seront trois en quart de finale de l'épreuve, ce qui sera une grande première dans un tournoi du Grand Chelem depuis le début de l'ère Open en 68. En quart, on retrouvera Tsonga et Monfils, des valeurs sûres, depuis un bon paquet d'années maintenant, ainsi que le jeune Lucas Pouille, 22 ans, et qui a réussi l'exploit de battre Raphaël Nadal en 5-7. Bon, c'est peut-être plus le Nadal il y a encore 2-3 ans, mais ça reste un sacré client, hein, et on sait déjà qu'il y aura au moins un Français en demi. Puisque Pouille doit à présent affronter Gaël, mon fils. Au moins français, disais-je, mais deux, là, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein, vu que Tsonga va devoir se coltiner le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Alors déjà que c'est le meilleur, mais en plus, il est hyper frais, ayant notamment profité d'un forfait et d'un abandon pour se retrouver en quart de finale. Fun Radio. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Ah bah oui, hein. Moi, ça fait déjà quelques semaines que je les avais avec moi. Hein. Ah bah attendez, je savais que ça allait arriver. C'est le nouveau Soprano qui arrive dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Je vous ai calé en feu. Il y aura aussi du Giro avec Bailar juste avant. Mais là, bah, on va faire un petit point sur la météo. Carlo, fais-nous rêver. Est-ce qu'il va faire beau demain? Bah écoute, il fera meilleur qu'aujourd'hui. Je sais pas si ça va te suffire pour rêver, mais les températures seront un petit peu en hausse, entre 20 et 24 degrés. Il fera encore plus chaud les jours suivants jusqu'à 27 jeudi, paraît-il, hein, avec pas mal de soleil. Il y a encore une belle semaine. Donc aujourd'hui, en fait, c'était la journée la plus pourrie. Eh ben voilà, bah, c'est bon, c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son de Dior. Salut. En septembre, chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Es la cosa! Sino vocal. l'après-midi sur Fun Radio. La suite du son, c'est avec Dimitri Vegas et Like Mike. C'est bon ça, pour commencer la semaine. Il y aura aussi du Pitbull. Ça, il faut qu'on parle d'un truc très important, les copains. Si on est tout branché sur Fun Radio, on a vu une info qui est passée concernant Danse avec les Stars. Yeah. Seulement, on est d'accord que quand même dans le titre de l'émission, il y a Star, Danse avec les Stars. Hein, c'est ouais, quand même ouais. Le principe de l'émission. Oui, c'est le but quand même. Oui, sauf que là, j'ai vu qui allait rejoindre l'émission. Et c'est bizarre. D'accord. C'est vraiment très très bizarre. Je trouve que c'est pas du tout une bonne idée, à votre avis, dans l'équipe. Et vous aussi de l'autre côté de la radio, 3044 pour vos messages. Qui va rejoindre l'émission? Qui va être un des candidats de Danse avec les Stars cette année? Sandro? Quelqu'un de la chaîne, donc quelqu'un de TF1. Je pensais à Jean-Pierre Foucault, celui-là qui fait. Jean-Pierre Foucault? Celui qui veut gagner des millions. Bah non, ça va pas. Non. Mais, eh ben, tu sais quoi? C'est un. Dans le même genre. Genre un peu, ringard, comme ça. Boccolini. Florence Boccolini, ouais. Ah non, mais qui doit danser avec elle, la pauvre. Qui sait avoir. Quoi? Non, c'est surtout qu'elle a un sacré caractère, t'imagines, si le gars il fait un truc qu'il faut pas. Je t'avais dit non. Elle le mange, quoi. Ouais, c'est ça, qui est du standard. Michael Youn. C'est Michael, mais c'est pas grave. Ah, c'est Michel, normalement. Mais si ça fait appeler Michael pour primer. Non, c'est pas ça, Alison du standard. Johnny Hallyday. Je pense que le monsieur n'est plus capable de faire de chorégraphie. D'ailleurs, il est trop marrant. Plus capable de chanter d'ailleurs. Non plus d'ailleurs, mais bon, ça il n'a pas encore compris. Fab. Sandra Kim. Ah non, c'est Danse avec les Stars, c'est vrai. Non, mais c'est un truc du genre. Quoi, vraiment? Vous avez pas d'idée? Non. Mais moi, je vais te faire une autre confidence. J'ai jamais vu une seule fois l'émission. Ah bah super. Oh là là. Bon, Danse avec les Stars quand même. C'est cool comme émission, non? Vous aimez pas ici? Si, c'est sympa. Mais par contre, c'est quoi? C'est un animateur télé? Alors, un chanteur? Je vous donne un indice. Présentateur de télévision. Présentateur de présentateur Jean-Luc Delarue. Non. Ah non, il est mort. Présentateur de jeux télé. On me dit Virginie Efira. Non, c'est pas ça. De jeux télé. Et c'est pas ça non plus. De Chavannes. Non, bah non, c'est pas De Chavannes. Ah non, l'autre là, le chauffe. Qui ça? Vincent Lagaffe. Non, c'est pas Vincent Lagaffe. Oh. On dit, moi je rêverais que ce soit Johnny Hallyday. Non, mais non. Sophie Marceau. Non, elle a pas présenté d'émission. Ah ouais, non. Sophie Marceau. Ça serait vraiment canon, mais c'est pas ça. On me dit Brad Pitt. Non, mais c'est un. Tom Cruise. Ouais, c'est ça. Ça reste c'est un français, hein, les gars. On me dit Arthur par SMS au 3044. Eh ben, c'est pas con. Mais. Non. C'est pas ça. Il y a Dani qui me dit Marion Cotillard. Mais non, je vous dis que c'est un présentateur d'émission de télé, de jeux. Allez. Attends, je réfléchis. Fabi réfléchit. Oh là, attention. Jean-Pierre, il présente pas de jeu. Non. Vous. Allez quoi, voyez, c'est marrant que vous pensiez même pas à celui-là. Non, c'est pas Castaldi. Qui est du standard. Nagui. Non, c'est pas Nagui. Le nouveau là, Beaugrand. Christophe Beaugrand. Ah, Christophe Beaugrand. Dans Secret Story. Eh ben non, c'est pas Christophe Beaugrand. Alors, c'est que des émissions de présentateurs télé de France, de TF1 ou d'autres. Alors, c'est un présentateur de jeux en France. Mais je dis pas à la chaîne, sinon c'est vraiment trop facile. Hein. On me dit Olivier Mine par SMS au 3044, c'est pas ça. Ah c'est oui, c'est pas Jean-Luc Reichmann non plus. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Michael qui me dit Gérard Depardieu. Non, bah alors s'il a présenté des jeux, tu me préviens, tu m'envoies les le gars de Fort Boyard. Le gars de Fort Boyard. Mais c'est Olivier Mine. Jeune, ouais, c'est Olivier Mine, mais c'est pas ça non plus. Non, bah alors on fait un truc. Allez-y, à votre avis, de l'autre côté de la radio, qui va présenter, enfin pas présenter, mais qui va danser à Danse avec les Stars? C'est un présentateur de télé en France. Il y a présenté des jeux. Il est un petit peu ringard, si on peut dire ça. Il est un peu sur la sellette. Ah, l'autre, là, Nikos. Non, c'est pas ça. Merci pour Nikos, il va être content. Allez-y, 3044 pour vos messages. Je les lis tous. Juste après, Dimitri Vegas et Like Mike, maintenant qui débarque sur Fun Radio. When the stars start to fall, will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance. Please don't leave. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Don't run away. I'll just be all you need. This life is all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts. Stay wild, stay wild. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Fun Radio. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball. This way. I was born in a flame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. Walk this way. I was born in a frame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. We're bringing it back. I'm on fire. Eh, ça va, hein. Je vois l'équipe qui me juge. Je suis sûr que vous étiez en train de faire pareil dans la voiture. Hein. Non. Bon, sur Jonas Blue, c'est bien, mais on peut rien chanter là-dessus. Il y aura aussi le son de Soprano, le tout nouveau. Ça, c'est promis. Avant ça, on va accueillir Rodriguez. Ah non, c'est Rodriguez, c'est pas grave, ouais. Ça fait pareil. C'est un peu moins tropical, mais c'est bien aussi, hein, Rodriguez, qui vient de Mons, ça va? Ça va, bonjour à vous en tout cas. Bah bonjour à toi en tout cas. Dis, ça va? L'équipe va bien au moins. Bah, ouais, dis, ça va. Bien, qu'est-ce que tu fais là? Je me drogue. Bah là. Là, je reviens du travail là. Et non, mais attends, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être aussi de bonne humeur quoi? Ça doit être génial comme boulot. Testeur de gaz. Ben, je travaille dans la logistique en tant que préparateur de commandes. Ah il ouais. Y a de l'ambiance d'accord. De travail, donc ça va. Bon, okay. Ça a l'air cool en tout cas, Rodrigue. Bon, Rodrigue, t'as entendu? C'est moi qui mets la bonne humeur aussi, peut-être. Hein. J'adore, Rodrigue, franchement, tu m'éclates. Bon, hey, on parlait de Danse avec les stars, là. Si tu as suivi l'émission, j'ai appris qu'il y avait un nouveau candidat qui allait intégrer Danse avec les stars. Mais alors, quand je vais vous dire qui c'est, sérieux, vous allez halluciner. Rodrigue, t'as une idée, toi, de qui va rejoindre la grande et belle équipe de Danse avec les stars? Mais moi, je pense que c'est celui qui présente Mes Amours, Tex, Jean-Claude Tex. Jean- si t'es sûr que c'est Jean-Claude? Non, c'est Jean-Claude Van Damme et Tex tout court. Alors, je sais que c'est Tex, mais alors je suis pas sûre du prénom. Mais Jean-Claude, il a une tête à s'appeler Jean-Claude. Ah, il me semble que j'ai été. Ouais, il me semble que c'est ça. Attends, je suis pas le kéké du standard. Le kéké du standard est toujours au courant de tout. C'est Jean-Claude qui non, s'appelle? Non, c'est Jean-Christophe. Ah, Jean-Christophe. Jean-Christophe, ouais. Jean-Christophe. Ouais, désolé. Ça commence par le Jean, c'est le même. T'as raison, Rodrigue. Mais c'est pas lui, c'est pas Tex, mais ça aurait pu. Ça aurait pu. Franchement, bien essayé. Dommage. Bon, Rodrigue, tu restes bien à l'écoute de l'émission, d'accord? Ouais, pas de soucis, j'écoute l'émission. Parfait, je te fais des gros bisous, Rodrigue. Ça, merci, une bonne journée à vous, en tout cas. Bisous, bisous. Salut. Il est énorme. Le gars, il est super de bonne humeur. On me dit Philippe Etchebecht, j'arrive jamais à le dire. Oh, le gars qui fait la cuisine, là, qui ouais, chante. Ouais. Non, mais non, j'ai dit que c'était un présentateur télé qui a présenté des émissions de jeux. Voilà, qu'est-ce que je peux donner d'autre comme indice? Je crois que je sais, si c'est lui... Patrick Sébastien? Non, tais-toi, arrêtez. Allez, tournez les serviettes. Et oh, vas-y, Mab. On prend les sept boîtes. Chante les serviettes. C'est lui? Qu'est-ce qu'on est serré? Si je te dis que c'est lui, tu fais une déprime? Non, je sais pas ce que. Dommage. C'est pas lui. C'est non, lui. C'est pas Patrick Sébastien. Okay. Je vais vous donner un petit indice musical. Ça va peut-être vous aider. Je vais vous passer la chanson, en tout cas le générique de l'émission qu'il présentait parce qu'il ne la présente plus. Écoutez ça, ça ressemblait à ça. Oh là là. Dun, dun, dun. Ah, je sais. Dun, dun, dun, dun. On me dit Cyril Hanouna par SMS, faut pas déconner les copains, sérieusement. Allez, hein, c'était quelle émission ça? Vous vous souvenez du présentateur quand même? Il a pas quitté l'émission depuis si longtemps. 3044 pour vos messages. Celui qui le trouve, eh ben, je lui file du pack Fun Radio pendant ce temps-là. Nous, de notre côté, on se fait Jonas Blue. Et juste après, c'est le nouveau Soprano qui débarque sur Fun Radio. Bougez pas. Tous les soirs, dès 20h, branchez-vous sur Fun Radio. C'est Fun Radio Connected. Passez vos messages, vos coups de gueule. Ou venez délirer. Fun Radio Connected, 20h-22h avec Dylan, c'est par SMS, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat ou au 02-851-4x0, prix d'un appel local. Fun Radio Connected, tous les soirs dès 20h, c'est sur Fun Radio, le son Dance Floor. Venez découvrir le nouveau Citroën C4 Picasso lors de nos portes ouvertes, ces 10 et 11 septembre. Et profitez de nos offres exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Maman, vite, ta carte! Non. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change.

Soprano sur Fun Radio. La suite, c'est avec Cashmere que ça se passe. Wildcard qui arrive sur Fun Radio. Oh là là là là. Ah, attends, d'abord, on va voir au trafic là. Vas-y, fais péter. Vas-y, balance. C'est pas possible ça. Il veut plus du coup. Mais c'est Fab, arrête un peu tes conneries en même temps. Il m'emmerde dans le studio et après, je suis obligée de le frapper avec un bic. Bon, ça y est, le jingle. Mais ça ne veut plus. T'as cassé la machine ou pas? C'est les boules d'ailes, c'est les boules d'ailes. L'infotrafic dans la Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Bon, c'est promis, dans quelques minutes, je vais vous dire qui va faire danse avec les stars. Parce que je vois que vous êtes. Oh là là là là là là là là. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il faut que je vous explique. Cette émission est un vrai bordel. Oui, d'abord, toi, tu as frappé un officier de police dans l'exercice de ses fonctions. Je t'ai vu, ok? Maintenant, il y a quelqu'un, il a éteint à distance mon computer. Regarde, l'écran est noir avec un Windows dessus, de fenêtre. Juste avant l'infotrafic, qui a fait ça? C'est qui? Piratage. Mais ça va pas. C'est là justement qu'on va voir si vous êtes vraiment un vrai de vrai. Si de mémoire comme ça, vous arrivez encore à nous faire le trafic. J'ai vu un truc que je me souviens. J'ai dit ça, je dois dire. Je suis le E411. C'est la E411. Oui, c'est E411. Quand tu viens de Luxembourg, Namur, tu vas à Bruxelles. C'est ça. Deux camions, bing. T'as fait des chocs à pic, 4 km de fil, tu l'as dans l'os. Je dis, qu'est-ce qu'il est là, ce PC? Après, j'ai vu direction Courtrai. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ce que j'aime bien, c'est qu'on a deux stagiaires avec deux PC portables. Et à aucun moment donné, vous vous dites peut-être qu'un des stagiaires peut vous prêter un PC. Il y en a aucun qui va voler à votre secours. Personne, hein, c'est ça, les gars. Je vais te dire un truc. Si c'est portable, c'est déplaçable. Tu peux le mettre devant moi. Attends, on dirait il revient. Je vais allumer ça. On fait tout en direct, on fait comme on veut ici. J'ai vu à Courtrai. L'autoroute de Courtrai. Mais je sais pas dans quel sens, mais c'est quelque part à Courtrai. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est avant d'arriver à Courtrai, il y a un objet encombrant. Ouais. Mais tu vas jamais croire ce que c'est. Un pneu. Non, une baleine truelle. Alors, une baleine et un truelle. Ah, j'ai compris, une baleine truelle. Je sais quoi ces traces que je ne connais pas. Et surtout, tu t'es pas dit qu'est-ce que ça foutrait sur l'autoroute? Si, c'est pas une baleine truelle. Donc, Manolito, tu as fini ton chantier, mais tu viens ramasser tes outils. Oh. Énorme. Et moi, tout à l'heure, en venant à la radio, je sais pas si encore l'accident, mais c'est quel tunnel ça? Je sais même pas. Les infos proximatives. Je sais pas par où t'es venu. De Scarbeck vers Forêt, comme ça, il y a plein de tunnels. On passe même devant. Voilà, tunnel Louise, Madou, tout ce que vous voulez. Et ben là, il y avait une voiture qui était en panne. Moi, je suis restée bloquée pendant une heure. Donc, big up, hop, à tous les conducteurs qui sont bloqués là-bas, si c'est encore le cas. Il y a d'autres infos trafic? Bah non, puisque l'ordinateur est éteint, évidemment. Fini. Donc, on compte sur vous, là, pour le coup. Si vous avez des infos sur le trafic, allez-y, balancez-les, 3044 pour vos messages. Et c'est promis, juste après Cashmere, je vous dis qu'il va faire danse avec les stars, puisque je vois que vous impatientez, là, par SMS au 3044. Je vous ai dit que c'était un présentateur français qui a présenté des jeux en France. Alors on m'a donné plein de noms tout à l'heure. Je vous ai même fait écouter le générique de l'émission. Et malgré ça, j'ai encore reçu des messages chelous. On me dit Philippe Risoli. Je savais même pas qu'il avait présenté question pour... C'est surtout, il est plus vivant. Personne n'a remarqué que j'avais dit la réponse. Allez, à tout à l'heure. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a roll. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. Soprano qu'on vous a passé il y a quelques petites minutes. C'est le nouveau Black M qui arrive sur Fun. Je suis chez moi, vous l'avez découvert ici en premier. Et ouais, Fun Radio, on est prime sur les nouveautés. Ça arrive, il y aura aussi du Justin Timberlake. Et puis on a Liliane qui vient de Gilly, qui est avec nous. Salut Liliane, comment ça va? Ça va très bien. Mais Liliane, je me permets une petite question comme ça. Mais Liliane, tu as quel âge? 82 ans. Non, comme à part. T'as quel âge? 58 ans et t'écoutes Fun Radio. Bah dis, t'es une mamie dance floor, toi. Eh ben, c'est cool ça, c'est bien. Et quoi, tu sors souvent en boîte, mamie? Non, c'est pas pour moi, ça. Ah, c'est plus de ton âge. Liliane, j'adore. Bon, on était en train de parler de Danse avec les Stars et surtout du nouveau candidat qui va rejoindre l'émission. Je vous ai dit que c'était un présentateur d'un jeu en France sur une chaîne française. Ouais. Alors, bon, j'ai reçu plein de messages, mais qui n'ont rien à voir. Il y en a qui ont trouvé quand même, hein, bravo. On me dit Laurent Romeshko, c'est qui lui? Laurent. Mais c'est pas le gars des chiffres et des lettres? T'es sûr? Le petit jeune, le blond, non? C'est un jeune qui présente les chiffres et les lettres. Oui, bah oui, l'ancien présentateur est mort. Je l'ai dit en carolo, hein, les chiffres et les lettres. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Philippe Risoli qui est revenu, mais non, c'est pas ça. À ton avis, Liliane, qui c'est qui va faire Danse avec les Stars? Julien Lepers. Eh ben oui, les copains, bravo. Je dis oui, c'est une bonne réponse. Eh ben, Julien Lepers dans Danse avec les Stars. Dans la version senior. Ça vous choque pas? Danse avec les vieilles stars, sérieux, c'est ça? Sérieux, c'est pas possible. Franchement, j'ai vu l'info. J'ai vu l'info passer, je me dis, c'est la meilleure vanne. Poisson d'avril en avance, c'est pas possible. Julien Lepers, mais qui sait danser déjà? On sait déjà avec quelle star il va danser? Non, je sais pas, bah avec une danseuse ou un danseur connu. Ah, c'est lui quoi. La star? Bah oui, c'est. Ah, pardon. C'est horrible. Liliane, tu trouves que c'est une bonne idée, toi, Julien Lepers, dans Danse avec les Stars? Bah ouais, pourquoi pas? Bon. Bah, ma foi. Bah Liliane, tu vas regarder l'émission? Attends, je sais pas, chérie. Tu sais pas, tu verras. Bon, et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas faire ce soir ou tu verras aussi? Je sais pas, je verrai. Ah non, le soir, je regarde pas Fast and Furious. Fast and Furious, ah bah c'est, oui. Là, ça c'est une mamie qui écoute le son Dance Floor de Fun Radio qui va mater Fast and Furious. Franchement, on a trouvé notre mamie Dance Floor. Ah, oui, embrasse Paul. Hein. Pas Paul surtout. Bon, Liliane, je te fais des gros bisous. Tu reviens quand tu veux dans la pioire. Merci pour tous vos petits messages qui sont arrivés. On va se faire le Vaché Time dans un instant. C'est un gars le matin entre 6h et 9h. Il fait des trucs vraiment très chelous. Hein, vous allez voir. Il arrive juste après Black M maintenant. C'est Je suis chez moi sur Fun. Tout le monde me regarde. À travers mon innocence, je pense qu'il me charme. Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi. Mais mon papa, lui, pourtant se met fidèle. Est-elle fidèle? La France est belle, est belle. Mais elle me regarde de haut comme la tour Eiffel, Eiffel. Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides, les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je paye mes impôts moi. Je pensais pas que l'amour pouvait être un combat. À la base je voulais juste lui rendre un hommage. Je suis tiraillé comme mon grand-père. Ils le savent, c'est dommage. Jolie Marianne, Marianne. Je préfère ne rien voir comme Amadou et Mariam. Je t'invite à manger un bon mafet chez ma tata. Je sais qu'un jour tu me déclareras ta flamme. Aïe aïe aïe, je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop français. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop. Juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis français. Chez moi, chez moi. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. moi, chez moi. Peut-être parce qu'il me trouve trop foncé. Chez moi, chez moi. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Chez moi, je vais l'ambiancer. Je suis français. Ils veulent pas que Marianne soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer. Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc. Je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi. Fier d'être français d'origine guinéenne. Fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait. À suivre. Eh, si vous voulez aller à Walibi, restez bien là, on va vous expliquer comment faire pour repartir carrément avec des Golden Pass. À vous Walibi, toute l'année gratos les copains. On se fait ça juste après Justin Timberlake et puis surtout après le Vaché Time. Alors le Vaché Time c'est quoi? C'est un espèce de taré tous les matins entre 6h et 9h dans Bruno dans la radio, le nouveau morning de Fun Radio qui fait des conneries. Mais en fait, en gros c'est ça, sa vie c'est une connerie ambulante. Il appelle les gens, il fait chier tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui Sandro? Eh ben écoutez, il a trouvé la meilleure des mamies, mais la mamie un peu... Oh wesh wesh, c'est quoi ma voilà, un si, peu si. Comme Liliane qu'on a lu à l'antenne avant. Exactement. Bah, si elle m'a mais, Fast and Furious, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais un peu plus Kyra, tu vois, elle vient du 9-3, elle vient, tu vois, c'est de la cité, tu vois. Ouais, elle est là, biche. Elle est avec Vaché et elle pète un câble en fait. Vas-y, on écoute ça, balance ma biche. Allô. Bonjour madame, monsieur Vaché, je travaille à la mairie. C'était pour vous prévenir qu'en fait le plan jeune avait été lancé ce matin, ce qui veut dire qu'à partir de demain, tous les habitants devront parler comme des jeunes. Bon. C'est pourquoi je vais vous demander de plus dire allô déjà au téléphone. Et qu'est-ce qu'on me dira allô? Eh ben vous direz, comme tout le monde, ouais gros. Ah, bon. Faut également dire à son interlocuteur, comment ça va, frère? D'accord. Si je vous demande ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous dites quoi? Mais j'étais en train de lire. Eh ben ça aussi, vous l'enlevez de votre langage. Maintenant, faudra dire... Je chill. Ah. Prenez des notes, hein, madame, c'est important. Oui, je vais le noter. Après, si les gens veulent savoir ce que vous faites, vous pouvez dire aussi, j'étais sur Snap, en train de tester des filtres. Oui. Si quelqu'un vous fait une blague au téléphone, vous faites quoi, vous? Ah ben, je vais rire. Alors ça, c'est pareil, c'est hyper ringard. Oh. Maintenant, il faudra dire lol, frère, lol. Ah. Et on dit plus monsieur au téléphone, on dit frère, on dit t'es mon gars sûr, c'est toujours sympa. Bon, vous m'avez appris des choses. Eh ben, on le met en pratique tout de suite, je vous rappelle. Ouais, gros. Yeah, comment elle voit la Françoise? Comment ça va, frère? Ça va, tranquille. Et toi, tu fais quoi, là? Tu chill ou peut-être t'es en train de travailler? Non, pas du tout. Je chill. D'accord. T'étais en train de faire quoi, là? J'étais sur Snap. Ah, t'as testé. J'ai testé des filtres. Ah, j'ai testé les filtres aussi. T'as fait celui du chien, là. Quand t'ouvres la bouche, ça fait une grande langue. Oui. Ça m'a trop fait rire. C'était trop marrant. Lol, frère, lol. Et Françoise, franchement, je voulais te dire, t'es une femme de confiance. Franchement, t'es trop sûre. Je peux trop compter sur toi. Toi aussi, t'es un gars sûr. Moi, je te laisse, j'ai le concert de Jules. Salut. Salut, Bono. Oh, c'est énorme, quoi. La formation de mamie bolosse d'un coup, quoi. Et il y a Isa, notre mamie officielle de Fun Radio, qui me dit, ouais, et ben, tu sais quoi, il osera pas m'appeler. Et ben, Isa, à ta place, je ferai gaffe quand même. Le Vaché Time, c'est tous les matins, dont Bruno dans la radio, entre 6h et 9h, et peut-être bien qu'il va t'appeler, Isa, hein. Fais gaffe. La suite du son maintenant, c'est avec Justin Timberlake que ça se passe. Il y aura aussi du Kid Noise, du Carolo, et puis si vous voulez choper vos places, la direction Walibi, restez bien là, on vous les file juste après. Avec Fun Radio, partez vous éclater à deux toute une année à Walibi avec vos Golden Pass. Fun. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt. Dès que vous entendez Major Lazer. Double Fun. Yo, this is Major Lazer on Fun Radio. Écoute à la suite. C'est le Double Fun sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer Walibi par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos Golden Pass. Pour profiter autant que vous le voulez de l'univers Walibi toute une année. Oh là là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop. Les cadeaux les plus fun, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Un smartphone performant, c'est chouette. Sinon... Et c'est parti. Mais enfin, le tour vient à peine de commencer. Jeanine? Ouais? C'est toi qui as débranché la prise de manège? Bah oui, pour recharger mon GSM. La batterie se décharge tout le temps. Pour un GSM plus performant, profitez maintenant chez Orange d'un tout nouveau smartphone 4G à seulement 9€ avec Dauphin 25 smartphones. Et restez connecté avec le monde. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus.

this rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. Suite du son des Floor, c'est avec Kid Noise que ça se passe, du Carolo les copains. Et ouais, il y aura ça, il y aura plein d'autres sons aussi. Il y aura du The Chainsmokers, Benassi Bros, Ken Jones, tout ça c'est dans le prochain quart d'heure. Avant ça, on vous avait promis du cadeau là dans la Power. On vous envoie à Walibi les copains. Ah, Walibi, j'en suis baba. Ouais, mais ça c'était le générique des années 60, je crois. T'es le seul que j'ai retenu moi, madame. Walibi avec toutes les attractions de fou, la nouvelle, hein, Pulsar, là, le truc. Oh, ça c'est une attraction de malade. Si vous avez pas encore eu l'occasion de tester la nouvelle attraction de Walibi, c'est un truc où t'es dans une nacelle, t'es propulsé en arrière, en avant, ça va tellement vite que tes pulsations, elles grimpent, mais d'un coup, oh, Fab, je te mets là-dedans, je te retrouve plus. Mais hein, tu me mettras pas là-dedans. C'est quoi ton attraction préférée à Walibi? Moi j'aime bien les trucs tranquilles, style le Raja River ou alors le... Et la Raja River, c'est pas calme, hein, ça, t'y fous, toi. Les gros chaud, t'as un peu d'eau, là. Oui, ça va trop tranquillement, tu descends. Ah ouais. Ou le Rapido. Le Rapido, c'est dans le Aqualibi. Non. Alors, attends, le Rapido. Je te dis que oui. Non, c'est le truc qui descend. Oui, alors il y a un Rapido là, mais je crois qu'il y a un Rapido. Ah non, c'est le Flashback. Oh non, c'est nul. Je croyais que j'avais. Ouais, ça va, pour une fois, c'est toi. Oui, dis mon nom. C'est my name. Fab, tu avais raison. Bon, dans l'équipe, c'est quoi votre attraction préférée? Sandro, moi c'est celle de Quentin Mossiman où il a été le léger. Ouais, c'est ça. C'est le truc où t'as la tête en à l'envers dans tous les sens. Ça part en bouille kéké du standard. Moi c'est le loup-garou, mais j'aime bien quand je me mets tout devant. Ah, oh, toi t'es celui qui est le relou de non, j'attends, je laisse passer mon tour parce que je vais tout devant. Devant, celle-là, ce son est juste dingue, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, Kiki. Bon, alors pour essayer de choper carrément des Golden Pass, parce qu'on vous file pas juste des places pour aller au parc, hein, c'est carrément le pass qui va vous permettre d'y aller pendant toute l'année gratuitement. Bam, vous arrivez à l'entrée, vous faites ah ouais, et avec ça, et hop, vous rentrez gratuit si c'est pas cool. Il faut repérer le double fun pour ça. Il y aura d'un côté Major Lazer. Et si juste après, vous entendez le son de Kungs, eh ben c'est simple, il suffit d'envoyer Walibi par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. Part of like a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed a door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed a door. Behind me something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. Golden Pass direction Walibi qui vont tomber dans quelques petites minutes sur Fun Radio. Je vous aurais prévenu, vous pourrez pas aller après. Hein. On se fait ça juste après les infos sur Fun. Fun Radio. Fun. Ce mois-ci, chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Imaginez comme ça va être cool de vous présenter à la caisse de Walibi avec votre petit pass en mode gratos pendant une année. Si ça c'est pas génial comme cadeau, si vous le voulez, eh ben il faut rester bien branché sur Fun Radio jusqu'à 20h. Il y aura le son de Chainsmoker, je vous ai calé du Benassi Bros, Ken Jones, tout ça ça arrive juste après les informations. Et c'est avec Carlo, bonjour Carlo. Hello Audrey, salut à tous. On pourrait appeler ça loi des séries. Trois jours après l'annonce de la fermeture de Caterpillar à Ghostly, ce sont les travailleurs d'AXA Assurance qui viennent de recevoir un gros coup de massue sur la tête, hein, puisque la direction a annoncé ce matin le licenciement de 850 personnes d'ici 2020, dont 300 avant la fin de cette année 2016 déjà, histoire de permettre à un max de gens de bénéficier de la prépension à 55 ans et donc d'éviter les licenciements secs à partir de 2017. Ce ne sera plus possible. Le problème d'AXA, ce sont les faibles taux qui pèsent sur la rentabilité du secteur financier. Et puis la digitalisation croissante n'aide pas, hein, évidemment. Quoi qu'il en soit, cette rentrée sociale 2016-2017 s'avère particulièrement difficile, voire pénible. Et puis ce qui est pénible également, ce sont les conditions de vie des détenus dans les prisons. Bon, ça dépend un petit peu en quelle prison aussi, mais à Forêt et Saint-Gilles, en tout cas, c'est franchement pas top. Hein. La surpopulation dans les établissements bruxellois a de quoi mettre les détenus à cran. La longue grève des surveillants n'a évidemment pas aidé. Et depuis quelques semaines, nous avons la chaleur aussi qui a tendance à échauffer les esprits. Résultat, depuis un petit temps, les riverains de Forêt, Saint-Gilles et Berkendal se plaignent de nuisances sonores importantes le soir et même pendant la nuit. Les gardiens expliquent qu'ils ne sont pas assez nombreux pour empêcher ces petits dérangements et que pour la direction de ces prisons, tout ça n'est pas très grave. Bon, c'est clair que c'est moins grave que la guerre en Syrie, hein, et si je dis ça, c'est parce que je vais parler de la guerre en Syrie, ou plutôt des 4 attentats qui se sont produits quasi simultanément ce matin dans ce pays, une série d'attaques à la bombe qui a fait près de 50 morts et de nombreux blessés dans 3 villes différentes, dont 2 acquises au régime, la troisième étant en grande partie contrôlée par les forces kurdes. Les différentes attaques ont donc été menées en même temps et ont à chaque fois visé des points de contrôle de l'armée ou de la police. Elles sont intervenues au lendemain de la perte par Daesh de ses dernières positions le long de la frontière turque. Toujours à propos de cet interminable et inextricable conflit, les États-Unis et la Russie ne parviennent toujours pas à trouver un accord sur la Syrie. Les négociations menées en marge du G20 en Chine n'ont rien donné, ce qui rend notamment impossible, pour le moment en tout cas, un accord de coopération entre les deux grandes puissances. C'est le sort à réserver au président dictateur syrien Bachar al-Assad. On sait que la Russie soutient le régime alors que les États-Unis voudraient le dégommer. Enfin, en football, c'est demain que les Diables Rouges entament à Chypre leur campagne de qualif pour la Coupe du Monde 2018. Une campagne qui a déjà commencé pour l'Allemagne, notamment. L'Allemagne qui est allée gagner 0-3 en Norvège, tranquillos donc. Victoire de l'Angleterre également, 0-1 en Slovaquie. Mais ça a été tout juste, avec un but à la 95e minute. Fun. Fun Radio. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Oui, c'est vrai. Et en plus, avec ma carte de fidélité, tous mes points, ils sont doublés. On est reparti pour une nouvelle heure ensemble là sur Fun Radio. Jusqu'à 20h, c'est comme ça, en mode happy hour, avec l'horoscope qui arrive. On va sur le Battle Sun. Il y aura du coup de pouce, il y aura aussi peut-être bien les Golden Pass pour aller à Walibi. Eh ben, qui pourrait bien tomber avant 19h. Mais avant ça, eh ben, c'est la météo, Carlo. Avant ça, la météo, pour dire que les températures demain seront comprises entre 20 et 24 degrés. Oh, que voilà. Le soleil devrait être assez régulièrement au rendez-vous. Ça va, Carlo? Non, j'ai la voix qui part. Oh, minou, cool. Mettez un petit rhume. Samedi prochain, j'ai l'anniversaire d'une copine. Et on reprend le vieux groupe de rock il y a 30 ans. Donc hier c'était répète. Carlo qui fait du rock and roll. J'ai plus l'habitude de forcer ma voix. Mais du rock and roll avec le cul tout nu. Ça ce sera samedi prochain. Ah bah super. Voilà, et on se retrouve dans une heure. Je vous laisse avec Audrey et le son de Chainsmokers. Salut. Fun Radio. En septembre chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Reaching out, I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. I need ya, I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. Et non! J'en ai mis d'autres. jours de la semaine, lundi, vendredi, 17h-20h. On est avec vous avec plein de conneries encore dans l'émission. On va faire le battle sound, il y aura le coup de pouce si vous avez besoin d'un truc, je sais pas, vous avez un problème dans la vie. Vous venez sur la page Audrey sur Facebook, vous venez crier au secours et nous on essaye de vous aider dans l'émission. Enfin, je dis bien on essaye parce que bon, on est quand même une équipe de bras cassés, hein. Bon, Fab. Avant mais pourquoi vous me regardez, moi? Parce que je sais pas pourquoi. Avant de se faire le son de Benassi Bros, là c'est bien ça comme souvenir, et Ken Jones, c'est l'horoscope, on va vous dire si vous embrassez bien. C'est parti. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Les béliers. Jamais de plainte à ce jour. En même temps, vous pratiquez essentiellement avec des cadavres. Oh. Oh. Ah. Les taureaux. Vous embrassez pas mal, mais vous êtes tellement gros que la dernière personne que vous avez embrassée a chopé du cholestérol. Les gémeaux. Vous embrassez comme vous faites la cuisine. Hein. Il y a souvent un petit goût qu'on n'arrive pas à identifier. Les cancers. Quand on vous embrasse, on n'a qu'une seule envie, c'est se laver les dents. Ça va, t'es très porté sur l'hygiène aujourd'hui. Excusez-moi, hein. On peut arrêter ce horoscope. Ça me donne envie de vomir. Ça va aller, Minou. Les lions. Apparemment, vous embrassez comme un dieu. Le dieu de la pluie, faut aimer les postillons. Vierge. Vous embrassez tendrement, délicatement. Un petit peu comme un enfant obèse qui mange une glace. Balance. Vous embrassez tellement mal que si c'était vous qui aviez embrassé Blanche-Neige, ben elle dormirait toujours. Les scorpions. Vous êtes tellement maniaque que quand vous embrassez quelqu'un, vous mettez toujours un préservatif autour de votre langue. Ça, c'est le minimum. Ça existe, je crois même, non? C'est un peu gluant quand même. Hein. Mais un petit sang. Sagittaire. Vous embrassez aussi bien qu'une femme qui a envie d'une augmentation, ou un cadeau, ou un sac à main. Ou... Enfin, vous embrassez bien, quoi. Capricorne. Apparemment, vous embrassez très bien, c'est ce que dit votre copine et les 17 autres filles qui habitent dans la même rue. Tu veux qu'on la refasse, là? Non, non, ça si, va. Si, si, vas-y, Capricorne. Vas-y, articule, vieux. Vous embrassez aussi bien qu'une. Ah, oh, tu sais, c'est ce que dit votre copine. Attends, c'est comme quand. Non, c'est comme quand t'es un oral devant les professeurs, il faut. Vas-y, respire. Je sens la pression, là. Vas-y, souffle, Fab, en même temps. Voilà, okay. Attention, on y retourne. Est-ce que Fab va réussir à faire une phrase sans bugger? Attention, ladies and gentlemen, c'est le moment tellement attendu dans la Power. Vas-y, vas-y. Attention, les Capricornes. Apparemment, vous embrassez très bien. C'est ce que dit votre copine et les 17 autres filles qui habitent dans la même rue. Le 17, pourquoi j'ai mis 17? Ah là là, on t'expliquera quand tu seras grand. Vas-y, le Verseau, essaye de pas bugger. Vous embrassez avec votre appareil dentaire, c'est un peu comme mettre sa langue dans une clôture en fil de fer électrifié. Mmh, et on termine avec les poissons. Ah bah, il paraît que vous êtes pas super doué pour embrasser. Par contre, j'ai entendu dire que vous faisiez d'autres trucs assez sympas avec votre bouche. C'est dégueulasse. On fait des gros bisous à tous les poissons qui écoutent l'émission. Il y a des poissons qui écoutent l'émission. 3044 pour vos messages, histoire de faire rêver un petit peu Fab avec votre bouche. Oui, ils sont bons. Alison est poisson. Ah non. En fait, on veut pas. Non, mais ça ira, laissez tomber, c'est bon comme ça. Le rêve, il partit là. Ouais, c'est ça. Bah, je suis pas poisson. Non, mais tais-toi. Oh, Alison, on va se faire le son de Benassi Bros. C'est bon ça. Comment ça fait longtemps qu'on l'avait plus entendu sur Fun Radio. Il y aura aussi Ken Jones, il y aura le Battle Sound, le coup de pouce, et puis aussi du cadeau. On vous envoie à Walibi avec des Golden Pass à choper. Restez bien là, c'est juste après ça. Il y aura aussi Ken Jones sur Fun. C'est fou. Hey boy, it's not a

Vas-y, non, wesh. Il vaut mieux pas que je chante. Bon, mon Richard, comment ça va la journée? Ça a été, t'as pas eu d'emmerde, rien du tout, t'as pas de bouchon? Non, rien, je me suis occupé de mon fils, là je vais aller chercher ma femme au travail après. Mais quel homme! Voilà, mais c'est gentil, laisse-la là-bas. Mais quel homme parfait! Bon, Fab a fait l'horoscope là juste avant pour tous ceux qui viennent de se brancher. On disait par signe si vous embrassez bien, et alors les poissons, il paraît que vous êtes très doués pour faire plein d'autres choses qu'embrasser avec votre bouche. Et du coup, on a lancé un appel officiel à l'antenne de Fun Radio pour savoir s'il y avait des poissons qui nous écoutaient. Richard, tu es donc poisson? C'est bien ça, ouais. Alors, qu'est-ce que tu sais faire avec ta bouche? Plein de choses. Oh, Richard. Ah, je te l'avais dit. Non, mais genre quoi? Fais-nous rêver. Je sais manger. Mais qu'a rien compris. Voilà, je sais manger, je sais boire. C'est bien. Je sais lécher une glace. Oh, j'ai peur. Non, il va pas faire allez, ça. Allez, Richard, on va se laisser là. Au revoir. Allez, Richard. Non, mais sérieux. Et quoi d'autre? Je sais pas. Tu le pousses. Oh, mais vas-y, Richard, écoute, nous, on voulait plein un poisson chose, doué pour faire voilà, des trucs avec sa bouche. Je peux faire avec une fille aussi, donc. Je rentrerai pas dans les détails, mais. Si, mais vas-y, si, rentre. Non, Richard, non. Il a trouvé le point G, lui. Non. Lui, il sait où il est. Ouais, c'est comme moi, j'ai découvert il y a pas longtemps où était le point P chez les mecs. Pardon P. Enfin, non, alors. Non, il y a que le point G. Hein, non. Ah, je vais t'apprendre des choses, Minimini. Tu veux qu'on parle sexe ici à l'antenne de Fun Radio? Attends deux secondes. Ah, personne ne connaît le point P. Attends, Richard, tu savais qu'il existe un point P chez les hommes quand même? Non, le point G, je connais, mais le point P. Bon, enfin, les gars. Attendez, mais moi je veux vous dévergonder un peu le point P, vous connaissez pas? Non. Alors, on va s'installer. Vas-y. Ah, c'est drôle. Bon, alors, voilà. Je vous explique. Le point G chez une femme est situé donc à l'avant, on est d'accord? Où mais, ça? Bah, plus loin, tu le chercheras encore, tu te démerdes. Écoute, je veux pas tout apprendre. Hein. Mais le point P, par contre, chez vous, messieurs, il est situé. Comment dire? Il faut rentrer par le trou arrière et, ouais. Et toujours tout droit. Et quand il y a un rond-point, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, c'est justement là. Bim, t'es arrivé sur le point P. Et apparemment, c'est près de la prostate. Okay. Mais ça, c'est pas pour les mecs. Mais et alors, une bah, question, si, la prostate, question, c'est pour les femmes, peut-être un culve. Une question, Motarode. Oui, vas-y. T'as découvert ça ce week-end? Comment? Non! Qu'est-ce que t'as fait ce week-end pour découvrir ça? On était dans un club gambang. Mais rien à voir, c'était pas un cours pratique, hein, c'était un cours théorique. C'est-à-dire que je me suis renseignée et on m'a parlé de ça et je savais pas que ça existait. Donc, toi, t'as très un vieux ce week-end. Mais non, rien à voir! Bon, bah Richard, tu vois, t'as pas raté ta journée, t'as appris un truc sur Fun Radio, c'est cool, hein? Oui, mais ça, ce sera pas une expérience pour moi, je pense. Il faut toujours essayer. Tu rentres ce soir, tel un grand prince, tu regardes ta femme et tu fais chérie ce soir. On part à la recherche de mon point P. Voilà. Mets tes gants. Ouais, mais c'est grand, c'est ça. Un bon gros pot de vaseline, c'est bon comme ça. Oh, Audrey. T'es sûr que t'as fait que la théorie, toi, ce week-end? Mais non. Mais jamais de la vie j'ai fait ça. C'est juste que je savais pas que ça existait. Et bon. Comment tu sais qu'il existe maintenant? Eh ben parce que j'ai appris des choses. Je veux la présence de mon avocat. Je ne répondrai plus à aucune question. Non mais sérieusement les gars, pour ceux qui écoutent l'émission, vous saviez quand même qu'il existait un point P chez les hommes, rassurez-moi. 30-44 pour vos messages. Parce qu'ici autour de la table, ils me regardent tous en mode poisson rouge. Ça existe vraiment. Bon allez, j'attends vos petits messages. Le point P, oui ou non, vous le connaissiez 30-44? Pendant ce temps-là, on va se faire le son de Calvin Harris. Rihanna, et juste après, c'est le beau Craig David qui est de retour avec Sigala sur Fun. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Aude, c'est quoi ton toc? Alors moi, je sens tout ce que je touche. Tu sens tout ce que tu touches? Oui. C'est chelou. Je vais à la douche, je prends ma serviette, je sens mes couverts, je sens mes clés, voilà. Mais depuis toute petite. Ça doit être sympa quand tu utilises la brosse à chiottes. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Excusez-moi, la Peugeot 308 là, les projecteurs avant full LED, elle a ça? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'eye cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. En septembre chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. Bon contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Oh mince, c'est la rentrée, Julien vient de se faire piquer son vélo à une soirée. Je lui prends quoi? Un vélo de ville? Bah non, on habite à la campagne. Un pliable? Oh, il va quand même pas le plier. Oh je sais, je vais acheter une petite mobilette. Ah voilà, oh, qu'est-ce qu'il va être fier de pouvoir monter derrière son papa. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là on choisit Bon Contact, le mode de paiement préféré des Belges. Bon Contact, ça c'est sûr.

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Golden Pass de Walibi qui vont tomber là. Nouveauté, New Music, découverte Fun Radio. Ouais, à votre place, je resterai bien à l'écoute de la Happy Hour. Ça va peut-être bien tomber avant 19h. Avant ça, c'est le tout nouveau Craig David que je vous cale maintenant. Il est de retour et c'est avec Sigala que ça se passe sur Fun. When you're so in love, sometimes you gotta take a chance to break through. And when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling empty, feel used. It's like we're running on fumes. A little broken, confused. But one thing I know for sure, ain't giving up on you. Ain't giving up on you. Ain't giving up. Radio avec Sigala, vous en pensez quoi? 3044 pour vos petits messages. La suite, eh ben c'est avec Milo que ça se passe. Je vous ai calé aussi le représentant de la France à l'Eurovision, Amir. J'ai cherché le bonheur d'un nanananananana. Et j'ai pas trouvé. J'ai cherché et j'ai pas gagné. Merci, au revoir. Non, mais pour une fois, les Français étaient pas derniers. C'est cool à l'Eurovision. Bah ouais, on les applaudit. Bravo les Français. Ouais, on était derrière. Vous avez vu qui va nous représenter là? Non. C'est une flamande rousse comme ça, toute bouclée. Elle c'est chaque année bien, l'Eurovision. Oui. Ouais, je crois. Ouais, il y a encore des gens qui regardent ça. Je sais pas. Ouais. Eh non, mais franchement, t'as des gens, c'est des fans. Hein. Rigole pas. Hein. Ouais, c'est Alison. Un truc malade. Hein, ouais. Ouais, mais Alison, elle regarde toutes les émissions à la con. C'est bien ça le problème. Bon, dans quelques petites minutes, c'est le coup de pouce qui va arriver. On aura du boulot pour vous. On aura aussi peut-être bien des Golden Pass direction Walibi qui vont tomber. Avant ça, on a un invité aujourd'hui dans la Happy Hour. C'est Roland Deveuille, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Roland. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très très bien, merci. Alors pour tous les auditeurs qui se demandent qui c'est, eh ben Roland, Roland De Voice, c'est un des responsables de la brasserie Alphonse à Grand Bigard. Et vous le savez, il y a de la nouveauté dans l'émission. Tous les vendredis, on vous envoie au restaurant pour pas que vous deviez cuisiner le vache en fin de semaine. Vous êtes tranquille, eh ben vous allez pouvoir aller justement à la brasserie Alphonse ce vendredi. Alors je vais t'appeler Roland, ça te dérange pas? Non, non, du tout, avec plaisir. Tu peux appeler Marc, mais je suis pas sûr qu'il va réagir. Roland, c'est mieux. Alors, Roland, pour tous ceux qui connaissent pas ta brasserie à Grand Bigard, la brasserie Alphonse, est-ce que tu peux nous expliquer en gros c'est quoi le concept? Le concept est basé en fait sur le produit et encore le produit. C'est-à-dire on est sur de la viande maturée, du homard frais, des poissons travaillés très simplement. Essentiellement, on travaille dans un four au feu de bois. Oh, c'est trop bon ça. C'est vraiment axé sur le produit. C'est vraiment un petit peu le retour aux sources en étant passé par le gastro à l'époque. C'est vraiment maintenant le retour aux sources, les produits, le produit et encore le produit. Ouais, parce que je suis allé voir sur le site internet la brasseriealphonse.be. T'as aussi une méga jolie terrasse, quoi. Si on veut aller manger, s'il fait beau encore là, cool. Tout à fait, on a une terrasse pour ça en couvert. Et l'année prochaine, les gens pourront profiter du potager et des herbes qui seront cultivées dans le jardin également. Ah, oh, c'est cool ça. Ah, vous faites vendeur de drogue aussi, Mais enfin, qu'il est con celui-là. Ils peuvent toujours essayer de faire sécher le persil, hein, ça peut marcher. Ouais, on va lancer un concept, Roland. Non mais par contre, c'est vraiment cool là pour tous ceux qui sont fans des produits faits maison, des produits bien de chez nous, tout ça. Et ben franchement, il faut aller à la brasserie Alphonse, située à Grand Bigard. D'ailleurs, Roland, on te retrouvera vendredi hein, parce qu'on va envoyer deux auditeurs chez toi hein. Ben j'espère bien, ils doivent se faire connaître surtout. Ah bah t'inquiète pas, on va les mettre aux petits soins. Ah bah parfait, on fait comme ça. Si vous voulez déjà aller voir dans quelle brasserie on vous envoie là ce vendredi, Brasserie Alphonse, allez sur brasseriealphonse.be, vous allez voir, ça va vous faire baver. Ouais, moi je bave déjà. Et j'ai entendu parler que c'était un resto assez coté, non? Ben, on vient d'ouvrir donc on peut pas être très coté, c'est peut-être mon parcours qui était coté. Ah bah tu m'étonnes. On vient d'ouvrir, on a une semaine, mais pour le coup, bon, j'ai deux autres restaurants où là, où j'ai pu faire mes armes il y a quelques années. Ah bah tu m'étonnes. Et pour tous ceux qui connaissent un petit peu ton histoire, on sait que t'inquiète pas, t'es bien coté. Il y a de l'expérience, quoi. Je suis bien occupé, tout c'est à fait. C'est ça, quoi. Roland, merci beaucoup en tout cas pour les auditeurs là qui vont pouvoir aller manger chez toi ce vendredi, c'est énorme. On Avec te fait des bisous. Avec plaisir et welcome aux gagnants. Eh bah ouais, écoute, merci. Parfait. Au revoir Roland, merci beaucoup. Allez voir sur brasseriealphonse.be si vous voulez toutes les infos. La suite du son maintenant, c'est avec Milo que ça se passe comme promis. Il y aura aussi Amir, le coup de pouce. On aura du boulot à vous proposer si vous êtes un peu dans la dèche. Et alors je vous ai prévenu, pour tous ceux qui écoutent l'émission, restez bien là parce que je pense, je dis ça, je dis rien, mais qu'avant 19h, les Golden Pass direction Walibi, eh ben ils vont tomber hein. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son Dance Floor. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa, je peux prendre ta carte ? Mais dans tes rêves, ma chérie. Vous avez entre 18 et 28 ans, découvrez notre offre Hello for You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi ? Elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un chèque Octa Plus de 50€ sur l'avenir.net/rentrée. L'Happy Hour sur Fun Radio. Du lundi au vendredi, 17h-20h. La seule émission qui te donne envie de rire, même s'il ne te reste qu'une seule dent en bouche. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Cuba

qui est là avec nous. Bonjour Andy. Dis-moi oui. Bonjour. Oh non. Excusez-moi. Oh, chou chérie. Référence de vue, excusez-moi. Ah, on vient de perdre Audrey, je pense. Ouais, désolé. Bah oui, mais s'il me provoque aussi l'autre. Bon, Andy, tu es le manager, waouh, de Franck Provost. Ça se dit comme ça? Provo. Provost, Provost, comment alors, tu dis? Alors, c'est trop beau. Ah mince. Oh, super. Avec un prix muet. Non, mais je sais ce que c'est. C'est des salons de coiffure juste méga top. Alors, Andy, t'es à l'antenne sur Fun Radio parce que t'aurais besoin de l'équipe, de tous les auditeurs aussi, puisque vous êtes à la recherche de managers et de coiffeurs. Explique-nous. Donc voilà, donc en fait, effectivement, je suis en responsable de la, du recrutement donc pour le groupe Franck Provo, donc pour toute la Belgique et le Luxembourg également. Tu dois bien gagner ta vie. Pardon ? Tu dois bien gagner ta vie, je disais Andy. Ah ben ça, ouais. Fais pas ça, ouais. Elle est vénale, toutes les femmes. Et du coup, t'es à la recherche de manager pour les salons, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, tout au long de l'année, on recrute en fait pour les salons qui sont un peu partout en Belgique, donc en Wallonie et au Luxembourg. Donc, c'est vrai qu'on procède à du recrutement tout au long de l'année, où on se constitue une réserve en fait de recrutement, parce qu'on recherche pas forcément toujours dans tous les salons tout le temps. Mais voilà, comme il peut y avoir du changement d'une semaine à une autre, on peut perdre un collaborateur, comme quelqu'un que c'est bizarre dit comme ça. Andy, voilà. Tu vas pas faire du mal à tes employeurs, rassure-moi. Non. On te taquine évidemment. Donc tu es à la recherche de manager et de coiffeur, c'est ça? Pour si jamais il y en a un qui se casse une jambe, quoi. Oui. Qu'on tue ou quoi. Oui, voilà, parfois ça peut être en cas d'urgence comme ça. Donc effectivement, c'est bien d'avoir quelques D'accord. personnes sous la main. Et du coup, Andy, c'est un peu pour tous les salons, quoi. C'est ça, on ne sait pas dire dans quelle région précisément, mais c'est dans un des salons de votre groupe. Oui, ça peut être. Oui, voilà. Ça peut être dans le Hainaut, il y a Tournai, Mons, Ornu, Leuze, Hattes. Après, ça peut être le Brabant wallon, avec Waterloo, Braine-l'Alleud. Ah bah super Andy, le message voilà, il est passé là, à l'antenne de Fun Radio, merci beaucoup. Donc si vous êtes à l'écoute de l'émission, que vous avez une expérience dans la coiffure, que ce soit coiffeur, manager, ça vous dit, le challenge vous tente, allez-y, vous envoyez job par SMS au 3044 avec votre petit prénom, comme ça nous on va essayer de vous mettre en communication avec Andy, c'est promis, job par SMS au 3044, c'est ce qu'il faut envoyer. Il y aura le son de Major Lazer dans un instant aussi avec Justin Bieber, bougez pas. Pour la rentrée, gardez le smile avec le son Dance Floor de Fun Radio. Toute la journée, tous vos sons en premier pour continuer à faire la teuf toute l'année. Together, c'est la fête. Salut, c'est David Guetta. Salut, c'est Maître Gims. Hi, I'm Calvin Harris. Salut, c'est Soprano. Hi, this is Rihanna. Salut, c'est Martin Solveig. Toutes vos stars préférées sont sur Fun Radio toute la journée. Et dès 22h, pour faire la teuf en soirée, c'est Before Party Fun sur Fun Radio. Here we go. La teuf toute l'année, c'est sur une seule radio. Fun Radio, le son dance floor. Une rentrée des classes pleine d'énergie avec Lidl. Cette semaine, sur notre webshop, 33% de réduction sur la centrifugeuse, soit 19,99€ pièce. Utilisez-la pour presser un bon jus à vos enfants. Parce que plus tard en cote, le seul jus qu'ils boiront, c'est celui dans la vodka orange. Uniquement disponible sur Lidl-shop.be. Lidl, pour tous ceux qui comptent. Fun Radio présente la Lotto City Parade 2016. Le plus grand événement 100% gratuit du Benelux. Samedi 10 septembre, sur le plateau du Ezel à partir de 14h. Opening Festival, Parade, Closing Festival, deux podiums, 20 chars et plus de 100 DJs. La Lotto City Parade, samedi 10 septembre sur le plateau du Ezel avec Plug RTL. Info, cityparade.be. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun, le son. Yeah.

Golden Pass pour vous éclater toute une année à Walibi grâce à Fun Radio. Double Fun. Je me disais bien aussi que c'était le double fun qui venait de tomber là sur Fun Radio. Eh ouais. Donc ça. Et ouais, il fallait rester bien attentif là pendant la PIWAR. On a entendu quoi d'abord, Sandro? Justin Bieber avec Major Lazer, suivi d'un Kungs. Ça veut dire que si vous avez repéré le double fun, que vous avez envoyé Walibi par SMS au 6322, eh ben vous allez peut-être repartir avec votre Golden Pass. On a Marie qui est là. Ça va Marie? Bonjour. Oui, très bien, à vous? Bah écoute, nickel. Marie, tu viens de Clermont. C'est où ça? Clermont-Ferrand? Non, mais non, c'est en France. T'as un peu une liégeoise alors, tu parles pas comme ça, qu'est-ce qui se passe Marie? Marie, t'as joué pour repartir avec ton Golden Pass à Walibi. C'est pour qui? Pour moi. Pour toi? Bah, c'est une très bonne réponse, t'as raison Marie, écoute ça, surprise. Voilà. Double fun. C'est gagné. Vient de me niquer l'oreille. Hey, Marie, la bonne nouvelle, c'est que tu repars pas avec un Golden Pass, tu repars avec deux Golden Pass. Double. Carrément. C'est cool. Merci. Tu vas pouvoir merci aller à Walibi beaucoup en mode gratos pendant une année. C'est cool, hein? Merci, super. Fun Radio, merci beaucoup. Eh bah de rien, super. Marie. On te fait des gros merci bisous. Beaucoup. Éclate-toi merci bien, également. Walibi. Bisous, merci bisous. Pour tous les autres là qui voudraient aussi, comme Marie, gagner les Golden Pass, eh bah c'est simple. Il faut rester à l'écoute de Fun Radio toute la journée. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Il faut juste repérer le son de Major Lazer et de Kungs à la suite et vous envoyer Walibi par SMS au 6322. Bonne chance. Fun Radio. Fun. Ce mois-ci, chez Château d'Axe, le charme du design en cuir, le confort des canapés relax, la polyvalence du canapé lit à seulement 1000 euros dans votre magasin Château d'Axe. Oufti. Il est déjà 19h, on est un peu à la bourre. Il y aura le son de mots dans un instant, le Vaché Time, Galantis, Florida, tout ça, ça arrive juste après. Les infos et c'est avec Carlo. Bonjour Carlo. Salut Audrey, salut à tous. On a bien fêté les 350 ans de Charleroi ce week-end, même si le cœur n'était pas vraiment, hein, pas besoin de vous rappeler pourquoi j'imagine. Les Carolus ont tenu à montrer leur unité face au nouveau coup de massue qui s'est abattu sur leur région. Leur unité et puis leur soutien aux travailleurs de Caterpillar. Un cortège historique a traversé les rues du centre-ville samedi en fin de journée, mais à l'histoire c'est donc greffé l'actualité, vu qu'un groupe de soutien aux travailleurs est venu grossir les rangs des marcheurs. 200 personnes arborant un foulard rouge ont défilé avec d'anciens mineurs ou ouvriers sidérurgistes, des gens qui eux aussi ont bien souffert suite à l'évolution de l'économie. Et on peut même parler de révolution, vu la vitesse avec laquelle le monde a changé et continue à changer d'ailleurs. Le numérique va coûter des millions d'emplois dans le monde dans les années qui viennent, comme l'a déjà fait l'automatisation. D'ailleurs, et à propos d'emplois perdus en Belgique, on ne parle plus seulement de Caterpillar aujourd'hui, mais de l'assureur AXA qui compte supprimer 850 emplois d'ici 2020 et réduire de 20% la masse salariale de l'entreprise, via notamment la réduction des avantages extra-légaux. Le groupe est fortement affecté par les taux faibles qui pèsent sur la rentabilité du secteur financier. Mais du côté des syndicats, ce n'est évidemment pas la joie. Je parlais à 17h de la percée de l'extrême droite en Allemagne, où la politique d'accueil de la chancelière Angela Merkel vis-à-vis des migrants plaît à de moins en moins de gens, visiblement. Une exaspération qui touche toute l'Europe, hein, même si le vieux continent est loin d'être envahi par les demandeurs d'asile, en tout cas si on compare à des pays comme la Turquie, le Liban ou la Jordanie. Bref, tout ça pour dire qu'en France, une double opération escargot rassemblant transporteurs routiers et agriculteurs est partie ce matin de Dunkerque et de Boulogne-sur-Mer à destination de Calais. L'objectif étant d'exiger le démantèlement de la fameuse jungle qui exaspère au plus haut point les riverains. Selon la préfecture du Pas-de-Calais, 6900 migrants y sont présents, un chiffre en progression de 53% par rapport à la mi-juin. Mais des associations parlent de plus de 9000 personnes. Enfin, la Corée du Nord a encore tiré 3 missiles balistiques ce matin au large de sa côte orientale. Des missiles qui sont retombés dans la mer du Japon. Ce dernier n'est évidemment pas content, un point commun qu'il partage avec les États-Unis et la Corée du Sud qui s'inquiète de ces démonstrations de force à répétition de la part de Pyongyang. Bah, ça fait pas 15 jours que le régime de Kim Jong-un a tiré un projectile via un sous-marin, sans oublier un quatrième essai nucléaire en janvier, plus un essai balistique en février. Autant de violations des résolutions de l'ONU et de provocations qui commencent sérieusement à enquiquiner tout le monde, y compris la Chine d'ailleurs. La Chine qui est la seule alliée de la Corée du Nord. Fun Radio. Les doubles bons double points, du 7 au 20 septembre, c'est chez Match et Smatch. Les doubles bons double points. Franchement, j'ai qu'une chose à dire. Surtout, continuez à les doubler. Hein. Les cadeaux, ça continue là sur Fun Radio pour ceux qui viennent de se brancher. On a filé des Golden Pass direction Walibi. Et pour tous les gamers, eh ben, on a un truc encore mieux. On vous file des packs high-tech. Ça sera dans l'émission, c'est promis avant 20h. Mais bah là maintenant, on va faire la météo, surtout Carlo. Il va faire comment ? Un temps assez agréable demain, entre 21 et 24 degrés avec pas mal de soleil. Il devrait faire encore meilleur les jours suivants. Voilà, à tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi. Et vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Mo. Salut. En septembre chez Opel, profitez de la force des 4. 3 ans de garantie, d'entretien, d'assistance et d'OnStar gratuit à l'achat d'une nouvelle Opel. Plus d'infos sur opel.be. L'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Please, won't you wait, won't you stay? At least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh. But when you're gone, the music goes. Song. Merci Sandro. Salut. 17h-20h, Happy Hour. C'est la vie. Avec vous encore jusqu'à 20h sur Fun Radio, ça fait plaisir. Et on passe tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, on est là, 17h-20h sur Fun Radio. Et c'est quand qu'on fait une chorégraphie sur ce générique, ça me fait trop penser à genre Camping Paradis, ouais, tu vois. Ça va toi, comment... Et tu veux bien avoir un peu de respect pour notre générique, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai, par contre, j'aime bien Camping Paradis. Ah, comment ça va encore la chanson de Camping Paradis là, allez, tu meurs du rêve, attends, comment c'était Mais c'est une blague, vous regardez bienvenue, vraiment ça. Non, comment moi j'ai une mère, je suis obligé de regarder. Attends, vas-y, balance. Ah voilà. Et tan tan tan. You and me, Toto. Non les gars, ça va pas. Attention. Hop là, et on prend les mains. J'adore, il y a Fab qui regarde tout le monde en mode qu'est-ce qui se passe. Attendez, on m'avait pas prévenu quand j'ai signé, on m'a pas dit ça. Attention trompette. Fab, ça va? Oh yeah. Allez, bouge ton corps, bouge, non. bouge. Mais petite question, quand tu bouges ton corps, est-ce que ça continue à bouger le lendemain? Parce que oui. Non, parce que moi j'ai pareil en fait, c'est pour ça que je demande. Moi je torque le lundi, le mercredi ça bouge encore. Énorme. Ah, Camping Paradis, c'est cool ça, tu regardes pas Camping? Non. Non, ça va, ça va, t'as compris. C'est quoi que vous regardez pour le moment dans l'équipe? C'est quoi votre délire? Moi c'est Arrow et Blacklist, j'ai commencé. Blacklist c'était hier ça, non? C'est pas le truc sur TBF? Je regarde sur Netflix. Monsieur à Netflix, excusez-moi. Pardon, le kéké du standard, il regarde quoi? Moi les séries, j'attends juste Prison Break avec impatience. Prison Break, ouais. Mais attends. Avec Scofield. Ouais, il est encore là Scofield. Oui, il sera toujours en prison, quoi. Il cherche la sortie. Non, mais je savais plus si je pensais qu'il était mort. Enfin, laissez tomber. Il est mort, oui. Ah, oui, c'est ça. Ah, bah voilà. Dans la vie, pour du vrai ou pas? Ça y est, je suis perdu, moi ici. Ah, ok, d'accord. Vibre ailleurs. M'en fous, change les paroles. Alison, tu regardes quoi pour le moment? Moi, je regarde American Horror Story et Pretty Little Liars. Pretty quoi? Pretty Little Liars. Un truc de gonzesse, quoi. Non, c'est un truc avec un tueur et tout. Ouais. Pretty Little Liars. Attends, excuse-moi, dans le titre, ça ferait vraiment gonzesse, non? Oui, mais c'est quatre filles, elles reçoivent des messages et il y a un tueur. Et il faut découvrir qui est tueur et qui leur envoie des messages. C'est Cluedo, quoi, c'est ça? Ouais. C'est ça. Fab, tu regardes quoi, toi? Moi, je viens de commencer Narco, la saison 2. C'est quoi? Ah, il paraît que c'est Narco, c'est l'histoire de Pedro Pablo Escobar. De Pedro. C'est Pedro. J'allais dire Pedro. De Josué. Non, c'est l'histoire du trafiquant de drogue, là. Le mec qui gagnait 9 millions de dollars par jour à un moment donné. Comme quoi ça rapporte la cocaïne. Bah ouais, mais faut pas faire ça, c'est pas bien. Vous avez pas des chouettes séries ou des trucs sympas là, à nous conseiller 3044 pour vos messages? Je sais pas, moi j'ai envie de me lancer dans une nouvelle série, mais je sais pas laquelle choisir. Est-ce que t'as la télé? Bah oui, j'ai la télé. Ah, tu veux des trucs de filles toi? Non, ouais, non, pas forcément. J'aime bien quand il y a du sang. Regarde Stranger Things. Stinging. Quoi? Ah ouais, ça c'est Stranger bien. Non, parce que quand les gens vont me demander ce que je regarde, je pourrais pas le répéter. Et si vous avez des petits conseils pour les séries, allez-y, hein, 3044 pour vos petits messages. Je ne fais confiance qu'à vous ici dans cette émission, pas l'équipe. Voilà, bon, on va tous lire hein, vos messages, rassurez-vous. Il y aura le son de Florida dans un instant. Et puis, il y aura du cadeau pour tous les gamers. Bah ouais, un pack high-tech avec le clavier qu'il faut, la souris, le tapis, le sac à dos. Bref, vous allez être équipés. On vous explique ça après Galantis. Fun Radio, let's go. Fun Radio. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Here we go. And stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. Who in the hell done paved the road wider? There's only one flow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a little longer. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. Radio. Ah, c'est mon kiff du moment que je vous cale après. Zao, wouhou, avec MHD. Leslie Kuma. Il y a aussi du Quintino, vous l'avez découvert ici en Proms sur Fun Radio. J'aime bien quand il fait le bla bla bla. Bla bla. Bla. Yeah, t'es un petit rappeur, Fab. T'as vu un gangsta. Tug Life ou quoi? Ouais. Oh, vas-y. Yeah. Ouais, gros. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Y'a rien. Alors... Fais ta vie, trace. Ah, et... me regarde pas comme ça, je t'ai dit. Vas-y, baisse les yeux. Oh là là. Je suis sûr que tu dis ça à ta femme le soir quand tu rentres. Baisse les yeux. Ouais, bah je crois que je lui dirai une fois, quoi. Alors, c'est vrai que avant de faire le vacher time, alors là, il me fait des noms que vous voyez pas, hein, avec les gestes, mais en fait, quand même, il faut qu'on parle de Julie, son amoureuse, qui a quand même réussi à prendre, à prendre possession du corps de Fab, en tout cas à dominer le Fab, puisque Fab aujourd'hui est habillé comme un petit bobo de Hucle. Exactement. Vous savez que Fab, quand même, avec ses tatouages de Batman et autres, c'est quand même pas très crédible. Le gars, il venait en short, t-shirt long, genre basketteur, coach, ouais, chill. Ouais, ouais. Et là, le mec. Et t'aimais pas, tu te foutais de ma gueule. Ouais, mais quand même, je vous décris le bazar. Il est avec, attends, fais voir moi tes chaussures. Oh mon dieu, il a des chaussures en daim déjà. Quoi? Ah, t'as troqué tes Jordan pour des chaussures en daim? Mon dieu, tu as vendu ton âme au diable, Fab, c'est pas possible. Moi j'attends de voir Fab arriver en chemise au travail. Non, non, là faut pas déconner quand même. Il a déjà les chaussures en daim, il a le petit pantalon. Vous savez comme les gens de Hucle, les pantalons bruns, il y a les autres versions en rouge. J'en ai un en rouge.

Bruno sur Fun Radio. La suite, c'est avec la jolie Eva Simon. Ce que ça se passe sur Fun, il y aura aussi du Alan Walker. J'ai l'impression de parler d'une série télé. C'est pourquoi ça me fait penser à une série télé. Alan Walking Dead. Non, c'est Walker Texas Ranger, c'est ça. Oh non, mais à quoi tu penses quoi. Je me disais aussi que c'était bizarre. Bon, on aura du cadeau pour vous là dans quelques petites minutes avec l'Happy Game. Et ça va plaire aux gamers. Et comme je ne suis pas une gameuse, ça c'est pas crédible, tu vois ce que je veux dire. Et ben, je fais appel au seul gars qui joue aux jeux vidéo ici autour de la table, c'est Kéké du Standard. Ben oui. Bon, alors Kéké, on offre quoi dans quelques petites minutes sur Fun Radio? Bah alors un pack de gamers, donc c'est avec un clavier Orion Spectrum du valeur de 189€, donc c'est quand même assez cher. C'est vraiment du clavier qui envoie du lourd. C'est pour les gros gamers, donc les gamers professionnels et tout. Ouais. Et à côté de ça, il y a aussi une souris donc sans fil. C'est une souris, pas les petites souris qu'on offre et tout. Hein. C'est vraiment la souris à 179€. Mais attends, excusez-moi, mais je vais peut-être poser une question bizarre. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre une souris et une souris de gamer? Mais ici, en fait, tu peux en fait, c'est vraiment pour les jeux. Tu peux changer la configuration pour certains jeux. Mmh, voilà. Mais j'ai pas compris, mais ça avait l'air bien. Et la sensibilité aussi. Par exemple, si tu joues à un jeu genre Call of Duty ou quoi, tu sais ce que c'est Call of Duty, bien sûr. C'est un truc avec des. Voilà, c'est ça. En plus. Et donc, ça, tu peux changer la sensibilité. Donc, aller plus vite, moins vite, etc. Donc, du coup, il y a un clavier, il y a la souris spéciale gamer, et puis il y a quoi d'autre dans le pack? Il y a un tapis de souris pour pas abîmer la souris. Ah, bah, normal. Et alors, le sac à dos pour ranger tout ça. Pour tout mettre dedans. Voilà. Eh ben, parfait. Si vous voulez essayer de choper ce pack high-tech qui va arrêter tout de suite avec des bruits de jeux vidéo, je vais te faire du mal. Excusez-moi, mais ça m'énerve aussi. Bon, si vous voulez repartir avec ce chouette pack high-tech pour les gamers, eh ben, du coup, ça fait beaucoup de sous. Attends, je suis pas forte en maths. 189 plus 179 plus 20. Ça fait 400. Ouais, ça doit faire un truc du genre quoi. Allez-y, vous envoyez maintenant Happy par SMS au 6322, tirage au sort juste après Eva Simon ce matin sur Fun Radio. Oh Lord have mercy on me, I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time, just had enough of your mind. Can I really let you go? No. Alan Walker, que ça se passe. Il y aura aussi Madcon, Cheat Codes et puis le tout nouveau Nils Van Zandt qui arrive. Ça sera juste après l'Happy Game maintenant qui débarque dans l'Happy Hour. L'Happy Game, le jeu où tu peux gagner un cadeau, voire deux. voire rien du tout. À toi de faire le bon choix. Et aujourd'hui, il est question de cadeaux pour les gamers, pour les fans de jeux vidéo. Kéké, ouais. Tu rappelles vite fait ce qu'il y a à gagner? Alors, un clavier Orion Spectrum, donc d'une valeur de 189 euros. On dirait un truc scientifique, quoi. Oui, ben ouais. Orion Spectrum. Et donc, une souris gaming de professionnel, donc qui vaut quand même 179 euros. Oh. Et le souris qui va, le tapis de souris qui va avec. Et attends, l'abîmer, quoi. C'est cher, hein, si tu veux faire des trucs de gamer, là. Il faut voir. Les gamers, ils ont pas de life. Bah, tu m'étonnes. Tout l'argent, ils le placent dans les trucs. C'est super cher. On a Christian qui est là, qui vient de Saint-Pétersbourg. Salut, Cricri. Salut. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Bah, écoute, nickel. Qu'est-ce que tu fais de beau, mon Christian? Ah, là, je me promène, en fait. C'est bien, t'as la belle vie, c'est toi. Christian, on t'a joué pour essayer de repartir avec ton pack de gamers. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que déjà, tu pars avec ton tapis de souris. Bravo. Bon, Christian, maintenant, t'as une possibilité, c'est de remettre en jeu ton tapis de souris et cette fois, de gagner carrément tout le pack, la totale. Est-ce que tu tentes ta chance, Christian? Oui. Bah bon, allez, hein, c'est l'Happy Game. L'Happy Game, sur Fun Radio, c'est le seul jeu du monde où tu peux négocier ton cadeau. Ouais, tu vas peut-être pouvoir négocier, Christian, peut-être que tu vas repartir avec ce pack de gamers d'une valeur de 400 euros, vite fait, plus ou moins. On a fait le calcul comme ça de loin. Bon alors, Christian, tu vas devoir affronter quelqu'un de l'équipe, le kéké du standard, Sandro ou Fab. Qui tu choisis? Sandro, ouais, merci. Sandro, on n'arrête pas de m'allumer hein, en disant c'est bien la première fois. Vous allez vous affronter à un jeu, le jeu des couleurs. Je vous donne une couleur. Oula. Et vous me dites chacun à votre tour un objet ou quelque chose qui en tout cas est de cette couleur. Tout le monde a compris? Ouais. On s'est vraiment creusé hein, pour ce jeu. Ça. Alors, la couleur ce soir, c'est le vert. Christian, c'est toi qui commence. Qu'est-ce qui est vert? Une pomme. Une pomme, ça marche, Sandro. L'herbe. L'herbe, yes, Christian. Un arbre. Un arbre, ouais, les feuilles d'arbre, Sandro. C'est pas légal, mais de la beuh. De la beuh. Ouais, allez, ça va, c'est bon. Christian. Ah, du raisin. Du raisin, ouais. Un t-shirt. Ma grand-mère avant de mourir, Sandro, non? Non. Elle était verte. Non. Je te jure, Non, franchement, le t-shirt, je peux pas l'accorder, c'est trop facile. Le t-shirt, attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as, je te laisse 3 secondes pour donner un autre truc. 3. Qu'est-ce qu'il y a vert? 2. Un bébé oublié au soleil. Un feu vert. Ok. Christian, à toi. Ah bon, une voiture, je sais pas. Une voiture, allez, ça marche, c'est bon, je l'accorde. Sandro. Oui, mais là, maintenant, j'en ai plus. Eh ben, démerde-toi. Des chaussures, c'est pas vert. Bah, si, il y en a, mais bon, c'est facile, ça, les gars, je peux pas. Ça des va. Chaussures, c'est pas vert. Hein. Bah, il y en a, si. Bah, regarde. Ça dépend, les daltoniens, ils savent pas ce qu'ils achètent. 3, 2, 1, 3 quarts, 1 demi, une voiture, un quart, l'a déjà dit. 1, 0, Christian, t'es gagnant. Oh. Ouais. Yeah. Yeah. Mais il n'y a plus rien c'est d'autre de la folie. Et bah tant pis pour toi, tant mieux pour Christian. Christian, le pack high-tech gamer, il est pour toi, félicitations. Bah, merci beaucoup, hein. Ça sera un beau cadeau pour mon anniversaire en fait. Ah bah voilà, c'est quand ton anif? L'année prochaine. Le 24 septembre. Le 24 septembre, et bah déjà bon anniversaire à l'avance mon Christian. Tu reviens quand tu veux sur Fun et tu raccroches pas, on prend tes coordonnées, d'accord? Ça va, merci beaucoup. Gros bisous, cri-cri d'amour. La suite du son maintenant, c'est avec... J'ai dit cri-cri d'amour, j'ai vraiment fait ça. Ouais, ok, ouais, je l'ai fait, d'accord. Vas-y. Dans quelques petites minutes, c'est Dylan qui prend le contrôle de Fun Radio. Dylan, il est déjà en train de traîner dans les studios. Ah, je suis là, je suis là. Qu'est-ce qu'il peut gueuler, celui-là, c'est bien liégeois. Hein. On va se faire le son d'Alan Walker maintenant. Il y aura aussi du Madcon, Cheat Codes et puis le nouveau Nils Van Zandt. Si vous êtes fan, restez bien là, ça arrive juste après ça. Wait a second, let me catch my breath. Remind me how feels to hear your voice. Your lips are moving, I can hear a thing. Living life as if we had a choice. Breath. See. Radio, on termine la soirée ensemble là, en mode Happy Hour avec le son de Madcon. Il y aura aussi du Cheese Codes et puis le nouveau Nils Van Zandt aussi. Et à partir de 20h, c'est Fun Radio Connected qui débarque. Avec tous vos messages, tout ça, et puis le beau Dylan qui est au contrôle de Fun. Putain, et tu sais que j'allais dire la magnifique Audrey. Oh. Je te jure, t'es un peu ma Kardashian belge. On est connecté. Ah, mais c'est vrai, c'est un peu ma Kardashian belge. Kardashian, non, ouais, c'est juste que moi aussi, je passe pas les portes, mais je suis pas aussi mignonne que Kim Kardashian. Mais bon, c'est gentil, Dylan, vraiment, ça fait plaisir. À partir de 20h, t'es là avec ton, ton célibataire Arnaud. Enfin, je dis ça parce qu'on a reçu un petit message pour toi, Arnaud, au 3044 d'une Élodie qui vient de Charleroi et qui voudrait savoir si tu es célibataire. Voilà, la réponse. Bah, la réponse dans l'émission. Dans l'émission, évidemment. Ah, je pense qu'il y a qu'à le regarder, on a la réponse. On est gentil avec ce nouveau petit copain de classe, s'il te plaît. Mais j'ai été gentil. Eh ben, Élodie, si tu veux savoir si oui ou non Arnaud est célibataire, eh ben, il va falloir rester connecté dans l'émission jusque 22h pour Fun Radio Connected. Voilà, c'est ça, 20h-22h, vous passez vos messages avec le hashtag Fun Connected sur Twitter, par SMS aussi 3044 et via la page Facebook, tout simplement, c'est Fun Radio Connected avant le Before Party Fun à 22h. Eh ouais, et il y aura quoi, des DJ ce soir à partir de 22h? Party Fun, c'est pas des DJ. En fait, on va jouer aux cartes, on va jouer au blackjack, tranquille. T'imagines, ça serait cool. Non, je vais mixer à partir de 22h et 23h, ce sera DJ Boss, madame. Monsieur sera au platine ce soir, Dylan. Je vais mixer, je suis disque jockey. Eh, il fait tout. Eh ben, en parlant de ça, on va parler justement des expressions de vieux. Ah oui, j'en ai pas mal, et j'en ai pas mal. Allez, balance dans une comme ça. Allez, genre, je sais pas moi, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oh là là. C'est quoi, tu sais ce que ça veut dire ou pas? Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ouais. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Moi personnellement, je m'en fous un peu. Non, je sais pas. Vous savez quoi? Vous pouvez déjà envoyer des messages maintenant au 3044, hein, ça fonctionne. Et puis si vous avez des expressions de vieux, si vous en connaissez, allez-y, balancez-les. Comme ça, vous allez vous faire plaisir là ce soir à partir de 20h. Avec Dylan, on te retrouve dans quelques petites minutes. Yep. Dylan, pour bon aller bisous. Jusque-là, on se fait le son de Madcon. C'est bon ça. Ça va vous mettre la patate. Il y aura aussi Cheatcode. Patate, ça c'est l'expression de vieux par exemple. Il y aura aussi le nouveau Nils Van Zandt dans quelques minutes. Bougez pas. Avec Fun Radio, partez vous éclater à deux toute une année à Walibi avec vos Golden Pass. Toute la semaine, écoutez Fun Radio sans arrêt dès que vous entendez Major Lazer. Double Fun. Yo, this is Major Lazer on Fun Radio. Et cons à la suite. C'est le Double Fun sur Fun Radio. Double Fun. Soyez le premier à envoyer Walibi par SMS au 6322. Un euro message et gagnez vos Golden Pass pour profiter autant que vous le voulez de l'univers Walibi toute une année. Oh là là, vous me faites trop plaisir, je vous adore trop. Les cadeaux les plus fun, ça se gagne uniquement sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Dans un monde qui change, vos achats online ne vont pas attendre la carte de... Papa ? Oui ? Tu me passes ta carte ? Demande à maman. Vous avez entre 18 et 28 ans? Découvrez notre offre Hello4You gratuite avec une carte prépayée pour vos achats online. Plus d'infos sur notre site ou dans l'agence la plus proche. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Check it out! Fun Radio et Plug RTL présente Dimitri Vegas and Like Mike Bringing the Madness. Fun Radio. Les vendredis 16, samedi 17, jeudi 22 et vendredi 23 décembre au Sport Palace d'Anvers. Salut, c'est Dimitri Vegas et Like Mike sur Fun Radio. Éclatez-vous avec les DJ belges numéro 1 au monde. Dimitri Vegas et Like Mike à Anvers pour 4 dates exclusives. Tickets disponibles à partir du 6 septembre à 10h sur livenation.be. Les DJ stars Fun Radio, Dimitri Vegas et Like Mike au Sport Palace d'Anvers. C'est avec Fun Radio. The radio of Dimitri Vegas and Like Mike is Fun Radio. Le son dance floor. Ma copine Maya, parfois elle a carrément pas 10 heures. Alors je lui passe mes raisins secs. Oui, mais pas tout, hein. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et recevez un chèque Décathlon de 50€ sur l'avenir.net/rentrée. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. A Ferris wheel spinning on and on, stuck in the same routine, the same old song. Don't be too rational, don't let it get to you. You will find a new direction, who knows where it's gonna lead.